Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 7 du mag. Cette semaine, beaucoup d'annonces, puisque que ce soit du côté des éditeurs français comme des éditeurs américains, tout le monde a décidé de se réveiller. Toutes les news sont tombées cette semaine, donc on a beaucoup beaucoup de choses au programme du côté des news. On reviendra également sur la question de la semaine qui concerne Glénat Comics. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on vous dira deux mots du numéro 1 de Howard the Duck sorti la semaine dernière chez Marvel. Je suis Mathieu et vous allez écouter le septième numéro du mag. Avec moi cette semaine, Elvire, bonsoir, et Arnaud. Salut. Et on a beaucoup de boulot, donc on va commencer directement par les news VF. Elvire, Panini a dévoilé son programme pour le mois de mai. Et oui, et un programme assez chargé. Bah, comme vous devez vous en douter, il y a déjà Star Wars. Après, donc il y a l'événement Original Sins qui va s'arrêter bientôt en mai, et on va reprendre avec un nouvel event Axis. Côté kiosque, on a toujours un prélude à Spider-Verse qui va se terminer et aussi la mort de Wolverine qui commence. En librairie, on aura l'arrivée de Wolverine and the X-Men en format Deluxe. On va poursuivre les séries Marvel Now. Et on aura aussi des nouveaux Tritons 100%, Iron First et Ghost Rider. Et moi, il y a un titre qui a attiré mon attention, c'est en Fusion Comics. C'est Hubert Boin, c'est le 1. Le premier numéro. Et donc, c'est un comic historique. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On est sur le point de s'achever. Mais il y a des surhumains nazis, les Uber, qui font leur apparition et qui vont changer le cours de l'histoire. Moi, en tout cas, c'est la promesse. Donc, moi, ça m'intéresse à ça. Ok. Et puis Arnaud, Panini dévoile son planning et Urban a choisi également cette semaine pour faire ses premières annonces pour l'été. Oui, alors ça va commencer en juillet par une série qu'Elvire attend beaucoup, je pense, c'est Harley Quinn tome 1. Ensuite, Injustice année 2 partie 1. Donc, Injustice, c'est le comics adapté du jeu, je pense. Oui, du jeu vidéo, ouais. Ensuite, la suite du run de Geoff Jones sur Superman. Donc, Geoff Jones présente Superman tome 6. Et une nouvelle série, New York 4. Voilà. Et ensuite, pour août, on a la suite de la toute nouvelle série Paul Dini présente Batman, donc le tome 2. Ensuite, le tome 2 de Teen Titans Go dans la collection Urban Kids. Et Kid Eternity et Batman and Robin tome 3. Voilà, donc ça c'est les sorties qui sont annoncées pour le moment. Parmi ce programme, que ce soit chez Panini ou chez Urban, bon, on a compris, Elvire, toi, Uber te tente bien. Harley Quinn aussi? Arnaud semblait dire que oui, tu confirmes? Oui. Et toi, Arnaud, dans tout ça? Bah pareil, Harley Quinn, je pense que je vais me laisser tenter. Et chez Panini, c'est le Marvel Select Avengers la croisade des enfants, avec les Young Avengers, Scarlet Witch et Quicksilver. Ok, pour ma part, je suis bien content de voir Kid Eternity chez Urban Comics, Grant Morrison. Batman and Robin tome 3, évidemment. Et puis, bah oui, Harley Quinn aussi. Je pense qu'Harley Quinn va être un des gros cartons de cet été en VF. Dernière news VF pour cette semaine. Je vous parlais de Freak Squeal, qui est une série publiée en France par Ankama, une série de Florent Modou. Série de BD, mais dont on sentait clairement les inspirations comics. Et ben cette série a été achetée par Boom Studio aux USA. Donc Freak Squeal, à son tour, va traverser l'Atlantique. Donc c'est cool, une petite success story comme ça française, une petite série qui va être exportée aux États-Unis. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, c'est sympa. Et ça commence à se faire de plus en plus régulièrement. Donc va très bien. Cette semaine, quelques sorties sont au programme, évidemment, en VF. On va donc vous proposer notre sélection des titres VF de la semaine. Et Elvire, tu vas commencer avec une réédition très attendue. En tout cas pour moi. Non, moi, ma sélection, c'est le tome 1 de Flash. Donc, pour surfer, enfin, sur la série qui est en ce moment aux États-Unis, mais, donc, ce sera au scénario, ce sera Buccellato et au dessin, Francis Manapoul. Et bon, On revient sur les origines, hein, comment Flash est devenu, comment Barry Allen est devenu Flash. Et voilà, donc moi ça m'intéresse parce que bah, j'aime bien les origines et puis c'est un numéro un surtout, donc on peut reprendre sans problème. Et voilà, donc Donc ça, et tu ça sera penses le bien. Et ça sera le... le 20 mars. Voilà. Si vous voulez notre avis, Arnaud, Byron et moi, vous savez que l'émission Padawan Édition consacrée à Flash par Manapul et Buccellato est toujours disponible et on vous parle juste notamment de ce premier tome dans cette émission. Cette petite partie d'autopromotion étant terminée, Arnaud, tu vas nous parler de deux titres, toi. Alors d'abord, en premier, c'est une réédition. Urban avait sorti en juin 2012 le premier tome de Justice League de Geoff Jones et Jim Lee. Et là, du coup, le 20 mars, il réédite le tome avec une nouvelle couverture et en bonus le DVD Blu-ray de Justice League War, donc le film animé qui adapte ce récit. Et donc en fait, c'est l'origine tout simplement de la Justice League. Donc ça se passe 5 ans avant le reste de l'univers DC. Et on voit comment l'équipe s'est formée pour affronter Darkseid. Et donc bah c'est un très bon récit. Je sais pas si on en avait déjà parlé, Non, mais pas encore, non. c'est un très bon récit justement. Si vous aimez les origin story, bah c'est l'occasion de savoir comment la Justice League s'est formée, de voir les rivalités qu'il y avait au départ, notamment avec Batman et Superman. Et puis, bah pour 5 euros de plus, parce que le premier tome était à 15 euros et là il est à 20 euros, donc pour 5 euros de plus, vous aurez le DVD et le Blu-ray du dessin animé qui est plutôt sympa aussi, mais qui Oui. reprend le Plus ou comics. moins la même chose, parce qu'il y a quand même des petites variations. C'est assez léger quand même. C'est plus ou moins ça. Et puis ton deuxième titre, c'est... Là, c'est on va chez Marvel et Panini. C'est le Deadpool numéro 11. Donc en kiosque, hein, qui est en fait la suite du Deadpool hors série 2. Et donc Deadpool est dans les années 90. Il continue ses aventures dans les années 90. Et pour ça, il est accompagné de quelques invités, donc Dan Sabre et Alpha Flight. Ensuite, il retrouve le mercenaire, ensuite le mercenaire Deadpool affronte l'anti-araignée. Et donc c'est le magazine Deadpool qui contient les numéros 34 à 35 et 27. Alors, Oui, pourquoi c'est le le 27? numéro 27 avait plein d'histoires, de petites histoires différentes, et du coup, il est un petit peu étalé sur plusieurs numéros. Ça, c'est pas D'accord. forcément de, c'est pas forcément en continuité, ces petites histoires. D'accord. Donc c'est 4,60 € pour 72 pages et c'est là que ça fait un peu mal. Ah, bah, c'est le bimestriel de Deadpool, hein. Comme tous les bimestriels Panini. On en parlait déjà la semaine dernière avec les annonces de nouveautés, voilà. Panini et ses travers. Pour ma part, je vais vous parler de deux kiosques liés à Original Sin. Le premier, c'est l'Original Sin hors série numéro 2, qui sera consacré aux Mighty Avengers avec les épisodes 10 à 12 de la série Mighty Avengers et l'annual numéro 1 de New Avengers. Donc les Mighty Avengers vont découvrir, à cause d'Original Sin et des événements qui s'y passent, un secret qui est lié au passé et l'existence d'un groupe qui porte le même nom qu'eux, mais qui n'était pas vraiment le même. Et puis on découvrira également dans le New Avengers Annual et ben, exactement à quoi est prêt le Doctor Strange pour pouvoir sauver la Terre, jusqu'où il est prêt à aller, et sans trop vous spoiler, très loin. Deuxième sortie de cette semaine en kiosque encore, c'est le... Alors attention, Panini le dit lui-même, ils se sont auto-trollés sur leur page Facebook. L'Oscar 2015 du titre le plus long est attribué à... Accrochez-vous bien, Original Sin Extra hors série numéro 1, Thor et Loki, le dixième royaume. C'est bon, on a terminé. Donc dans ce kiosque, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une mini-série US qui était Original Sin, les numéros 5.1 à 5.5, donc quelque chose qui se passe après l'épisode 5 et avant l'épisode 6 d'Original Sin. Donc suite aux événements d'Original Sin, aux toutes les révélations qui ont eu lieu, tout simplement le plus grand secret des 9 royaumes est révélé. Bah tu m'étonnes, puisqu'en fait ils sont 10. Donc voilà, Thor et Loki vont découvrir l'existence d'un dixième royaume et Thor va peut-être même se découvrir une sœur. Voilà ce qui est au programme de ce kiosque qui lui coûte 5,50 pour 112 pages, donc ça va, c'est correct. Sélection VF, c'est fait. On va passer maintenant à la question de la semaine qui concerne Glénat Comics. On vous a posté cette semaine la présentation des 4 titres Glénat Comics qui vont sortir en avril, le 15 avril pour être plus précis. Donc on aura Lazarus le tome 1, on aura également Drifter tome 1, Sex Criminals tome 1 et le tome 2 très attendu de Fairy Quest. Donc on vous présentait tout simplement ces quatre albums et on vous posait la question toute simple. Parmi ces quatre albums, lequel est celui que vous attendez le plus, ou tout du moins que vous avez le plus envie de découvrir? Donc on vous propose évidemment comme proposition de réponse les quatre titres, et puis également aucun ou les quatre, je les veux tous. Avant de donner la réponse des auditeurs, bah, je vais vous poser la même question à vous, Elvire et Arnaud. Elvire, si tu veux bien commencer, parmi ces quatre albums de Glénat Comics. Moi, j'ai choisi Drifter parce qu'il le présente comme un space opéra et ça me fait penser à ma chère série Firefly qui a été annulée et ça m'a donné envie parce que c'est aussi dans le futur. J'aime bien les trucs un peu dystopiques qui se passent dans un futur et là voilà, il y a ce mélange de dystopie de space opéra et ils finissent par son épopée survivaliste se transformera alors en véritable quête d'humanité et c'est quelque chose qui fait ça sonne épique et ça me donne vraiment envie. D'accord. Drifter, pour présenter pour parler un petit peu de l'équipe qui est derrière tout ça, c'est par Ivan Brandon et Nick Klein. Voilà. Donc ce tome 1 coûtera 112 pages, coûtera 14,95 € plutôt pour 112 pages. Arnaud, si tu ne devais en choisir qu'un. Un seul. Alors on pourra en choisir un deuxième plus tard, mais déjà un seul. Parce que moi, sinon, j'ai envie de répondre les quatre, mais. Ah, bah tu peux, ça fait partie des réponses. Bah, je vais être plus 3 que 4 parce que Drifters me fait moins envie. D'accord. Parce que j'ai un peu peur du côté western, ça me plaît pas. Mais sinon, ils me tentent tous plus ou moins. Mais celui qui me tente le plus, si j'en choisis un, c'est Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark. C'est une série d'anticipations dans un futur proche et dystopique. Donc ça m'a le synopsis m'intrigue vraiment beaucoup. Et j'ai bien aimé le passage de Ruka sur Batman. Donc je suis plutôt attiré par ce tome. Ok, donc Lazarus pour toi. Alors pour le coup, je connais déjà les quatre en VO, donc dire lequel j'attends le plus en VF, c'est pas facile. Mais franchement, les quatre sont très bons. Chacun dans leur genre, les quatre sont très bons. Fairy Quest, ceux qui ont pu lire le tome 1, c'est ton cas, Arnaud, je crois. Oui. Voilà, je pense que la suite, c'est quelque chose que tu attends. Ah oui, depuis longtemps en plus. Ça fait Oui, longtemps qu'on 2012, l'attend. la sortie du tome 1 en France, 2012, donc voilà. Et puis, Elvire, tu l'avais découvert, toi, ce premier tome ou pas? Non. Donc voilà, Fairy Quest, évidemment, la suite est très attendue. Sex Criminals, on vous en a parlé avec Manon dans une émission, c'est incroyablement bien. Et puis, Lazarus et Drifter sont des nouveautés qui, je pense, vont plaire à beaucoup de personnes. Donc moi, franchement, les quatre. Parce que j'ai beaucoup aimé les quatre. Donc après, je les attends moins forcément parce que j'ai déjà lu en VO, mais j'ai quand même bien envie de voir ce que Glénat va en faire côté éditorial. Est-ce qu'ils vont se rapprocher plutôt de Panini ou d'Urban dans leur façon de faire les bouquins? Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse de vite découvrir. Donc les quatre pour ma part. Si on te donne la possibilité d'en choisir un deuxième, Elvire, parce qu'Arnaud a choisi trois, lui, carrément, donc. Bah, ça serait Lazarus pour le côté encore plus dystopique qu'on peut retrouver dans Drifter, mais en lisant le pitch, j'ai peur de retrouver soit un Hunger Games, soit un Divergent en comics. Et moi, il me faudrait de l'originalité, donc je vais le lire, mais c'est pas celui que j'attends le plus parce D'accord. que j'ai peur d'avoir déjà lu ça. Donc, ce que je trouve vachement intéressant dans le concept de départ de Lazarus, c'est le fait que le monde soit plus partagé selon des frontières géographiques mais financières. Que ce soit vraiment les familles riches de ce monde qui se partagent le non seulement le gâteau financier mais en plus le territoire, quoi. Donc je trouve ça intéressant comme postulat de base. Et puis évidemment tout ce qui est autour des Lazars, etc. Ok. Maintenant on va vous donner le résultat de vos votes sur le site. Vous êtes seulement un petit peu moins de 3% à avoir dit aucun. Donc a priori, ça veut dire que parmi toutes les personnes qui ont répondu à cette question, bah vous êtes plutôt tous intéressés par au moins un titre. Donc pour le moment, le pari est plutôt gagné par Glénat au niveau de l'intérêt. Et vous êtes 10% quand même à avoir dit les 4. Un score qui m'étonne un peu. Et après, concernant les séries dans la hiérarchie, celle qui est le moins attendue, c'est Fairy Quest, tome 2, avec 13,2%. Est-ce que c'est l'effet... Le fait d'avoir trop attendu, et voilà, ou est-ce que c'est juste le fait que ce soit pas un tome 1, et du coup, bah, forcément, si t'as pas lu le tome 2, le tome 1, le tome 2 t'intéressera moins. Et puis après, dans les trois nouveautés, on a Drifter, qui récolte, lui, 15,8% des votes. Sex Criminals arrive deuxième, et c'est une demi-surprise pour moi, avec 18,4% des voix, et celui qui vraiment semble créer un vrai consensus, une vraie attente, c'est Lazarus. Avec quasiment 40%. Donc la série de Greg Rucka, voilà, ben c'est clairement quelque chose que vous attendez. Voilà. Allez, la question de la semaine étant tranchée, nous allons passer à la suite du programme et le côté VO. Et on va commencer Elvire avec les chiffres de vente de février. Alors oui, donc on a pu voir, vous avez pu voir comme nous sur Internet que c'est Orphan Black qui est le comics le plus vendu pour le mois de février. Mais on a appris qu'il y a peut-être une raison plus que l'engouement pour le comics derrière ça, c'est que c'est la société Loot Crate qui fait des box, Oui, c'est d'après ce ça. que j'ai compris, qui l'ont inclus dans leur box et donc qui ont forcément acheté un nombre assez conséquent pour pouvoir les inclure dans leur box. Et donc ça serait une des explications qui pourrait expliquer que Orphan Black soit numéro 1 des ventes de comics. Parce que clairement, c'est pas le titre qu'on attendait en numéro 1 ce mois-ci. C'est assez étonnant, donc oui, Voilà. je pense que c'est la seule explication. Oui, mais Loot Crate avait déjà frappé, hein. Ils avaient réussi entre guillemets à placer très haut Rocket Raccoon l'été dernier, le Amazing Spider-Man qui avait vendu 600 000 Oui, mais exemplaires, c'était en grande partie grâce à ça. il y avait une logique avec le film. Non, mais voilà, Loot Bon, Crate avait aussi amplifié le phénomène. Voilà. Donc bah du coup, ils ont réussi à placer Orphan Black en numéro 1. voilà, donc ils ont un petit peu faussé les chiffres. C'est ça. Et pour le reste des chiffres de vente, Elvire, Alors pour le reste, bah ça reste Marvel qui reste numéro 1 avec 38,4% de part de marché. Mais ils ont quand même descendu parce qu'ils étaient à 41,5% avant, donc ils sont descendus à 38. Mais ils restent quand même devant et assez loin parce que dans la deuxième marche, on a DC avec 25,91%. Mais eux, contrairement, ils ont augmenté parce qu'avant ils étaient à 24,18%. Donc ça augmente, mais pas assez pour concurrencer Ils sont Marvel. bien bien loin maintenant. Ils sont bien bien loin. Et en troisième, on a Image Comics qui dépasse de quelques centièmes les 10% avec 10,51. Et je crois que chez eux aussi, c'est une augmentation aussi parce qu'ils étaient à 9,21. Donc tout le monde augmente, sauf Marvel, mais qui peut Bah se Marvel, en même temps, Marvel avait un Star Wars vendu à plus d'un million le mois dernier, donc logiquement, le mois d'après, oui, la baisse. Et pour le reste du top 10 peut-être, au niveau des singles, est-ce qu'il y a parmi les titres plus vendus, bon, on sait que c'est Orphan Black le premier, mais quel aurait été le vrai premier sans ce Loot Crate? Et le vrai premier, ça aurait été Darth Vader, numéro 1, qui est D'accord. second, donc. Et en troisième, on a Spider-Gwen. Dans Ok. le top. Voilà. Très bien. Et Star Wars numéro 2, du coup, tombe à quelle place après le gros chiffre du premier? En quatrième place. Ok. Donc ça veut dire qu'ils ont vendu moins que Darth Vader, qui était annoncé à un peu plus de 300 000 exemplaires, je crois, de mémoire. Donc du coup, gros gadin pour le numéro 2 de Star Wars déjà, mais c'était à prévoir. C'était à prévoir. Eh bien merci Elvire, on va faire maintenant le point Secret Wars hebdomadaire. avec la flopée de nouvelles séries annoncées encore pour le mois de juin. On aura une série Guardians of Nowhere par Brian Michael Bendis et Mike Deodato. Cette série-là, série, mini-série, one-shot, on ne sait pas comme d'habitude avec Marvel, hein. On aura également le retour des Babies de Scotty Young dans un numéro intitulé Giant Size Little Marvel AVX. Donc bah voilà, le retour des Babies. Au moins un truc qui me plaira ce mois-là, avoir une petite histoire de Scotty Young avec les versions Babies des personnages Marvel. Voilà. Ça c'est cool. On aura également Miss Deadpool and the Howling Commandos. On aura également Captain Marvel and the Carol Corps. Donc le retour du Carol Corps qu'on avait déjà pu voir à une époque il y a quelques décennies en arrière. Et puis on aura également Armor Wars qui fera son retour pour Secret Wars et X-Men, la série animée de 92. On en avait parlé dans les teasers à l'époque où Marvel annonçait Secret Wars. Ben voilà, ça sera pour juin. Donc voilà, encore 50 000 séries qui sont annoncées cette semaine. Ça commence à faire beaucoup. Arnaud, on va passer du côté de chez DC maintenant et tu vas nous donner un thème de variant cover assez intéressant, pour moi en tout cas. Ouais, pour Batman a fêté ses 75 ans, Flash les fête cette année, et c'est aussi les 75 ans du Joker. Et donc pour fêter le coup, DC, après leur événement Convergence, va faire des variants de cover du Joker. Donc ils ont annoncé pour juin une vingtaine de variants de cover, et elles sont plutôt sympas. Mais celle que j'aime le plus, c'est celle de Batgirl, hein, parce que vraiment là, ça fait référence à Killing Joke. Ah bah oui. Avec le badge, rien que le chapeau du Joker, et puis la tête de Barbara, etc. Ça fait, enfin, c'est vraiment toute la référence Ah bah oui, est bien sûr. là. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette variante cover. Mais les autres sont aussi plutôt sympas. J'aime bien aussi celle de la Justice League, avec tous les Jokers. Celle de Superman est sympa aussi, mais en fait c'est les dessins que je trouve assez moches. Enfin, D'accord. c'est la tête de Superman, je la trouve. J'avais pas vu les dessins avant et Ouais. ça particulier quand même. Le visage de Superman, j'ai pas l'impression de le reconnaître. Ok. Donc, eh ben, en juin, voilà, on aura toute une tripotée de variantes cover Joker, dont certaines, ouais, qui sont franchement pas mal. Allez, on va maintenant parler du gros bloc d'annonces de chez DC qui a donné un peu de détails à travers ses sollicitations concernant tout ce qui concerne le post-convergence. Et avant de faire un point sur ce qui a été annoncé série par série, juste voilà, Dan Didio et Jim Lee ont indiqué qu'en fait les 24 ou 25, je sais plus, 25 je crois, séries qui survivent à convergence, donc qui vont continuer après convergence avec leur numéro 41 pour certaines. Seront en fait ces 25 séries-là le socle de l'univers DC, seront dans le même univers connecté. C'est les 25 séries les plus vendeuses, hein, les Justice League, les Batman, les Aquaman, enfin toutes les grandes séries, voilà, seront dans un seul univers connecté. Et puis toutes les 24 nouvelles séries là qui vont débarquer, séries et mini-séries, ce seront des séries un petit peu à part, où on pourra se permettre des choses en dehors de cet univers partagé. Voilà. C'est Un la petite autre univers. un autre ou le même, ce sera pas forcément précisé. Voilà, c'est juste pour permettre un petit peu de faire des choses. Sans avoir forcément le poids de la continuité derrière. Au moins, les choses sont dites clairement et on sait quelles séries sont dans l'univers, le vrai univers DC, voilà, canon, et quelles séries sont un peu à côté et peuvent se permettre des petites digressions, quoi. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien de le dire, je trouve. Et alors maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qui a été annoncé dans les sollicitations. Et Elvire, tu vas nous parler de Batman, toi. Alors oui, donc on a su que Snyder reste sur le titre. Donc en ce moment, il est sur l'arc de Batman. Il avait prévu la fin avec Endgame. Donc c'est l'arc qu'il est en train de faire en ce moment. Mais comme il reste sur le titre, il a décidé de faire un peu ce qu'il avait envie de faire. Et donc de proposer un truc qui, selon lui, n'a jamais été fait chez Batman. Et de revenir à la fraîcheur qu'il avait proposée. Revenir un peu sur la cour des hiboux, ben en tout cas sur le même esprit qu'il avait insufflé avec la cour des hiboux, donc nouveau personnage, nouveau vilain, nouvelle armure, ça on est au courant, nouveau costume, mais surtout il nous a dit un nouveau Batman. Donc est-ce qu'on aura toujours Bruce, est-ce que Bruce Wayne va survivre à Convergence? Survivre ou passer le relais, enfin on sait Ou pas en passer le fait. relais? Est-ce que Oui, ce sera lui Batman sauvé par seul? Batman en tout cas. Voilà. Donc bah à la fois intéressant et un peu inquiétant, j'ai envie de dire. Très inquiétant. Après, c'est peut-être juste de la com. Ouais, c'est voilà, Snyder, c'est ce que j'ai Toujours envie de dire. Batman, un nouvel Snyder, esprit de c'est Batman, ça. toujours Snyder plus. promet souvent beaucoup de choses et au final, on n'a pas toujours ce qui est promis. Donc, on Il veut verra. faire son Miller, quoi. On sent vraiment que Ah bah c'est ça, mais il veut, ouais, il veut qu'on. il veut qu'on le reconnaisse autant que Miller. C'est ça. Enfin, à poser sa patte. Arnaud, tu vas nous parler de plein de petites annonces qu'on a pu choper ici et là dans les sollicitations. Y a quand même pas mal d'infos. Ouais, des petites annonces brèves. On va commencer toujours par Batman. Et là, c'est celui du futur. Donc, dans Batman Beyond, il va retourner dans le futur. Mais là, ce sera le vrai futur définitif de l'univers DC post-convergence, donc. Mais pas l'univers Beyond qu'on connaissait avant Convergence, qui était le futur. Là, le vrai futur que l'on aura bien des années plus tard. On a aussi appris que dans le Justice League 41 de juin, et ce sera le début de la Dark Side War, donc une guerre entre Darkseid et l'Anti-Monitor. Aquaman est en fuite d'Atlantis, il est pourchassé par son peuple, donc c'est bien dommage pour lui, puisqu'il est censé être roi. C'est ça. Duke Thomas va être au centre de We Are Robin, donc la série de Liber Mero, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc Duke Thomas, juste pour préciser, c'est le Robin qu'on a vu dans le Batman and Robin 5 Years Later. Le Robin Black là qu'on a découvert dans Zero Year de Snyder. D'accord. Ensuite, on a appris que René Montoya, donc l'inspectrice Black, qui est aussi dans Gotham en ce moment, et dont on parle dans la Padawan édition avec Batwoman, va être de retour dans Detective Comics 41 en juin. Alors là, ça sort un peu de n'importe où. Alors je lis comme c'est écrit. Black Canary en tournée avec son groupe de rock et ça va castagner. Pourquoi pas, Donc hein? voilà, J'ai Black envie de Canary s'amuser. part en tournée avec son groupe de rock et évidemment, elle va avoir des problèmes et voilà, ça va se bagarrer quoi. Mais ça fait pas rêver. Un groupe de rock, quand même. Ouais. Et puis pour terminer, moi je vais vous parler de Green Lantern The Lost Army, qui est quelque chose qui me semble plutôt intéressant, qui part d'un postulat assez intéressant, c'est-à-dire que 99% du Green Lantern Corps a disparu et va se réveiller, se retrouver dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne reconnaissent pas. Chacun va se retrouver tout seul au milieu de cet univers, sans savoir où il est, ni pourquoi il est là, etc. Et surtout, chacun aura son anneau, mais n'aura aucun moyen de le recharger, puisqu'ils n'auront pas de batterie, ils n'auront pas de, voilà, de batterie, ni de planète pour pouvoir recharger leur anneau. Et donc, du coup, ben, ça va vraiment être ben, la survie, tout simplement. Comment utiliser l'énergie qui reste dans l'anneau, comment on est arrivé ici, où est-ce qu'on est, enfin voilà, ça va être tout l'enjeu de ce titre qui va être un peu un titre survival en fait, hein, dans lequel on trouvera principalement John Stewart, Two-Six, Kilowog et Arisia, parmi les personnages principaux. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui a attiré ma curiosité, ce concept-là. Et puis elle vient, alors non, c'est pas parce que t'es une fille, hein, que tu vas faire le point mode, mais il y en a quand même des nouveaux costumes, et tu as choisi de nous en parler. Oui, non, c'est pas forcément que je suis une fille, mais il y a Wonder Woman, donc forcément ça m'intéresse un peu. Il y a Wonder Woman et Batman, donc qui ont des nouveaux chez DC, qui ont des nouveaux costumes. Donc Wonder Woman, elle est toute en armure. Fini le mini short, fini le top qui laisse dépasser la moitié de la poitrine. Maintenant, on est toute une armure et pour Superman. Bizarrement, c'est tout l'inverse. C'est plutôt à la cool le costume, un petit t-shirt, un jean. C'est sympa. Donc ça pour DC. Et on a deux Bah Flash c'est et toujours ici hein, les autres. oh, C'est pas grave, j'enlèverai. Et donc continuons. On a aussi deux Flash et Green Arrow qui ont des nouveaux costumes. Je pense qu'on leur met une capuche, c'est ça? Non, c'est Green Lantern qui va mettre une capuche, mais pour The Flash et Green Arrow, c'est changement, voilà, c'est des petits changements à la marge, mais voilà, ils auront aussi pour l'occasion droit à leur nouveau costume. Je pense qu'en tout Voilà, cas, Justice League va être fini par être looké. Les changements sont moins importants pour The Flash et Green Arrow que pour Superman et Wonder Woman. Et justement, on avait ce débat-là si vous avez regardé si vous avez écouté la Padawan édition. Est-ce que c'est un renouveau, une nouvelle façon de penser les femmes et de représenter les femmes avec des costumes qui correspondent plus aux costumes des hommes Bah en tout cas là, moi dans ce nouveau costume de Wonder Woman, je suis bien content parce qu'on se rapproche vraiment de la nature même de Wonder Woman, qui est une Amazone, qui est une guerrière, et on s'éloigne, voilà, c'est ce que j'ai dit en commentaire de l'article, et on s'éloigne de, on s'approche plus de la volonté de se rapprocher du personnage plutôt que de mettre en valeur des formes. Et Voilà. moi, ça me plaît bien. Mais j'en avais parlé avec Lux, que vous avez entendu dans la panel édition sur Twitter, et qui m'a dit qu'il y avait déjà eu un changement de costume de Wonder Woman. Ah oui, ça Ça arrivait plusieurs fois, oui. a duré même pas un an, et après les gens ont redemandé le mini short. Oui, bah bien sûr. Mais après, c'est Donc pas la même époque, donc peut-être que là, ça peut prendre. on espère que cette fois-ci on gardera ce costume vraiment badass. Et comme tu dis, qui se rapproche plus, qui est pas fait pour vendre, mais qui se rapproche de l'esprit du personnage. Voilà. Et puis, dernier nouveau design, celui de Green Lantern, qui va mettre une capuche, donc comme j'ai dit. Tout simplement, ça va être lié à son nouveau statu quo, puisque j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Quand on met une capuche, c'est peut-être qu'on a envie de se cacher et de pas être retrouvé. Donc voilà. Green Lantern, voilà. Hal Jordan va porter donc une tenue bien différente à partir du numéro de juin. Arnaud, ces costumes te plaisent? Bof, enfin, comme vous l'avez dit, The Flash et Green Arrow, ça change pas des masses. Superman, je suis pas fan, juste le simple t-shirt, pourquoi? C'est un peu trop à la cool, je trouve, ouais, mais bon. Ouais, l'armure c'était plutôt bien. Et Wonder Woman, bah, pareil, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne idée de faire une armure. Pourquoi les autres ont une armure et pas elle? Et, bah, de se rapprocher de ce que tu disais, c'est une Amazon, c'est une guerrière, il faut une armure. C'est ça. Green Lantern, j'ai pas vu, je lis pas du tout, je suis pas cet univers-là, donc je peux rien dire. Et ça donne juste l'impression que ça y est, on fait une sorte de reboot, relaunch, on sait pas trop. Enfin, il y a du changement chez nous, du coup on va changer tous nos personnages, leurs costumes, Bah bien juste sûr, pour oui. dire qu'il y a du changement. Bah oui, on profite de l'occasion. Pas sûr que ce soit nécessaire pour certains, mais dans l'ensemble, Bah ça pour Green passe. Lantern, et pour Batman en tout cas, ça va être justifié par l'histoire. Après, les autres, on verra dans l'histoire si ça nécessite un changement de tenue. On est déjà très en retard, donc on va se contenter pour la sélection VO de simplement vous mentionner les titres, des titres qu'on a chacun sélectionnés. Arnaud, si tu veux bien commencer toi avec les singles. Oui, alors le premier, c'est le numéro 2 de Hate, hein, de Raphaël Aberkerki, qui est aussi au dessin. Et puis tu en avais d'autres dans ta liste? Oui, alors Outcast numéro 7, donc c'est la nouvelle série de Robert Kirkman et Paul Azzaceta. Ouais. Et le numéro 1 de Chrononauts, hein, de Mark Millar et Sean Murphy, qui est sur l'histoire de deux amis, deux scientifiques, de génies, qui partent pour une aventure de voyage dans le temps. Voilà. Et puis pour être complet, tu avais aussi sélectionné un TPB. Oui, c'est le deuxième TPB de Miss Marvel, donc par J. Willow Wilson. Voilà, donc tout ça sort demain, tout comme les titres que toi aussi, Elvire, tu as sélectionnés cette semaine, qui sont... Alors moi j'ai le Batgirl 40 avec pour à l'écriture Cameron Stewart et au dessin Barb Starr, et le Superman 39 avec Geoff Johns et John Romita. Voilà, et puis pour le TPB, tu as choisi... J'ai choisi United States of Murder Inc. volume 1. Donc c'est Bendis et Michael Avon. Donc en gros c'est autour de la mafia. On est dans un monde où les mafias n'ont pas quitté, enfin le crime organisé n'a pas quitté les États-Unis. Et voilà, comme j'aime bien tout ce qui est autour de la mafia et du crime organisé, c'est En celui-là plus, que j'ai choisi. voilà. En plus, c'est sympa. Bendis, quand il fait des séries comme ça, un peu indépendantes, il est plutôt très bon. Donc, c'est plutôt sympa. United States of Murder, machin, tout ça là. Voilà, c'est sympa. Pour ma part, j'ai sélectionné le numéro 2 d'Orphan Black pour les amateurs de la série télé. Ce sera un numéro qui sera consacré à Elena. Évidemment, Alex plus Ada, le numéro 13, sortira demain et je vais évidemment me jeter dessus comme pour les 12 précédents. C'est vraiment ma série coup de cœur chez Image. Et du côté des recueils, pour vous signaler la sortie de Lazarus, donc le TPB volume 3, pour ceux qui seront impatients après avoir lu le tome 1, ben vous savez qu'on est déjà au volume 3 en VO. Deadly Class TPB volume 2 par Rick Remender et Wesley Craig. Le tome 1 va sortir chez Urban tout bientôt. Et puis sachez également que le deuxième volume de Superman Wonder Woman sort en hardcover. Voilà. Elvire, juste quand même pour que tu ne l'aies pas lu pour rien, est-ce que tu veux bien nous dire en trois mots ce que tu as pensé de ce fameux numéro Howard the Duck numéro 1 par Chip Zdarsky et Joe Quinones qui est sorti la semaine dernière? En trois mots, pour une fois que j'avais fait une revue complète. Ah alors vas-y, fais-toi plaisir, allez, on peut pas t'enlever ça. Non, c'est sympathique, mais c'est très très très très bizarre. Comme quand déjà un canard qui parle, un canard qui a des mains, ça me perturbe. En plus, il y a plein, comment dire. Donc, ça me perturbe. Et en plus, il y a un twist au milieu du livre, pas un twist en niveau scénaristique, mais on dirait qu'il y a deux personnes qui ont écrit. Qui ont écrit, qui ont dessiné, surtout écrit, qui ont écrit ce comics, parce qu'il y a quelque chose qui change en plein milieu du comics et ça part en gros n'importe quoi. Et j'ai pas vraiment adhéré et je sais pas si je peux spoiler. Non. Je l'ai lu. Un petit peu, ouais, tu peux spoiler. Pendant toute ma lecture, j'étais en train de me dire. J'accroche pas un canard qui parle et pourtant j'ai accroché à Rocket Raccoon, donc à un raccoon qui parle. Et pourquoi ça marche pas avec Howard? Pourquoi ça marche pas avec Howard? Et justement, j'ai envie de lire le 2 parce qu'on il va faire un team-up en fait avec Rocket Raccoon. On découvre ça à la fin, donc peut-être que je vais regarder, mais que pour Rocket Raccoon. Mais ça marche pas avec Howard. Pourtant, il est ancré dans l'actualité parce qu'il y a du Taylor Swift à l'intérieur. À un moment, un des personnages chante du Taylor Swift, Shake It Off. Donc c'est vraiment actuel. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas que lui, il y a aussi She-Hulk. On voit Spider-Man, on voit Black Oui, Cat, on voit plein de personnes passer, ouais. Mais okay. C'est quand même un peu féministe parce que Howard veut appeler tout le monde baby ou doll et les personnages féminins ne se laissent pas faire. Ouais. Mais voilà, donc il y a plein de trucs qui peuvent être sympathiques, mais... Mais toi, le personnage, te voit. Mais ça fonctionne pas pour moi. Ok. Arnaud, tu l'as lu aussi, et qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Je suis plus ou moins d'accord avec Elvire. J'ai pas trouvé qu'il y ait eu spécialement un retournement de situation en plein milieu. Juste la deuxième partie est plus folle que la première. C'est ce que je voulais dire, mais ils mettent du temps. Enfin, ils veulent introduire le personnage, montrer un peu sa personnalité, tout ça. Et après, oui, après ça part très très vite, ça s'enchaîne très vite et c'est peut-être un peu trop justement. Mais dans l'ensemble, c'était sympa, mais sans plus. D'accord. Le personnage est plutôt sympa, mais il est pas cool comme Rocket Raccoon ou d'autres. Hein. Et il essaie par moments d'être un petit peu irrévérencieux, ou je sais pas trop comment dire, mais ça fonctionne pas. Enfin, pas des masses. Donc, c'est pas déplaisant à lire, mais j'irai pas lire le deuxième. Ou alors peut-être, s'il y a des bons retours sur, notamment, son team-up avec Rocket, mais sinon non. Donc, effectivement, c'est complètement fou. C'est très what the fuck par moment. Et c'est ce qui m'a plu, moi, là-dedans. C'est que ça part vraiment en tous les sens. Que Chip Darsky, il y en a visiblement aucune limite et se permet des trucs complètement, vraiment what the fuck, quoi. C'est vraiment un mot qui correspond vraiment à ce numéro 1. Effectivement, la rupture avec la première moitié, où effectivement, à partir de ce moment-là, on part dans des délires de fou. Moi, j'ai plutôt aimé Howard the Duck, un personnage que je trouve plutôt sympa. J'ai plutôt aimé ce numéro 1. J'ai bien aimé ce brin de folie de Chip Zdarsky qu'on reconnaît bien là. Et j'ai aimé le côté méta aussi. Quand Howard the Duck arrive sur Nowhere, qui est la planète du collectionneur, qui est l'endroit où on l'a découvert dans le film, il fait quelques petites remarques qui laissent à penser qu'il est conscient qu'il a déjà été dans cet endroit et qu'on l'a déjà vu dans le film à cet endroit-là. Et j'ai trouvé ça super bien. Je sais pas si vous l'avez perçu, vous, ces deux, trois, moment, oui. Ouais. Où on a clairement l'impression qu'il nous parle directement à nous en nous disant j'ai déjà été là, quoi. Et ça me fait. Et Oui, même tu. l'auteur nous parle aussi à un moment quand il dit Oui, il juste parle de plus film. 5 heures plus 15 heures plus tard, enfin 15 heures dans l'histoire, mais j'espère que vous n'avez pas posé le livre pendant 15 heures. Ou... Oui. Après, Donc j'ai voilà, il trouvé y a ça un des. peu kitsch quand même par moment. Ah, bah, c'est un personnage un peu. Oui. Genre Voilà, dans je. les combats avec Black Cat et tout. Oui. C'est sûr. Mais voilà, j'étais plutôt séduit par ce côté what the fuck. Après, ça va pas être le titre de l'année, c'est clair, mais voilà, ça, j'ai passé un bon moment en tout cas. Donc pourquoi pas, ce War the Duck numéro 1, c'est un pourquoi pas. Allez, on va arrêter cette émission ici avec ce comics de la semaine. On est un petit peu à la bourre. Le programme était chargé, on s'en doutait un peu. Prochain rendez-vous de la semaine. Jeudi sur nos écrans numéro 7 avec l'actu ciné télé, le débrief de la semaine qui sera consacré à Constantine. Ce week-end, on se retrouve pour la Padawan édition numéro 7 et on vous parlera, comme Arnaud vous l'a dit tout à l'heure, de Batwoman. Et puis on se retrouve quant à nous mardi prochain pour le 8e épisode du mag. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Au revoir. Salut!